бойкоти. Макаш, Mafieux comme Totolina, ça je pète le Cohiba. J'tourne comme taureau dans Corrida, se faire serrer dans le corridor. Oui, j'ai zoné dans tout Ripa. Si je réponds pas, frère, c'est que je dors chez moi ou chez les ports. Fonce et je me téléporte. Si on en a fracturé quelques-unes, c'est qui ferme les portes. Vas-y, je fais l'effort, mais l'état nous fait les poches. Oui, y'a des fêlés à bord, j'les compte parmi mes proches. Pas de projecteur braqué, y'a que des torches, j'suis torché. La vie est dure, tu sais bien, dur de rafistoler les fils sur un pistolet sans sens et sur peur de prendre le mauvais chemin. Tenter quand tu vis sur bitume pour s'en sortir, je n'ai pas plus gros. De tout remettre à demain, tu perds du temps, tu perds de la thune, grandir avec plusieurs lacunes. Je ne me satisfais pas de rien, il me faut un plan, il me faut une mule pour vous ramener la pure gros. Ici rien n'est pareil, tous vivent dans un pareil, j'éclate encore une barrette. Je sais plus quand faut que je m'arrête, la gloire file les palettes. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, qui s'endorment à souper d'eau. Dans des nuages de White Widow, garde toujours un œil sur le rétro. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, pas ceux qui s'endorment à souper d'eau. Dans des nuages de White Widow, garde toujours un œil sur le rétro. Mal rasé, graines de café au cou, je veux brasser, tracer après un gros coup. J'en ai tassé, écrasé beaucoup, tête dans les nuages foncés, j'ai vu passer beaucoup. La vie heureusement bon comme boubou. J'ai vieilli, j'suis devenu un tonton doudou. J'habite fonfon, si tu veux savoir j'suis doux. Ouais, toujours fonfon, mais fais-moi tourner le bédou. À part si ça qu'on s'est court. Dans la box, c'est pas des ronces qui s'époux. Motherfuck tes conseils, on sait tout. Motherfuck tous les condés qui s'écoutent. En bas des tours, toujours le même décor. Ça tourne en cours, ça pense à dehors. Aucun détour, même si c'est dès le bas. Boycotté, enfermé ou dehors. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, à ceux qui s'endorment à souper tôt. Dans des nuages de White Widow, garde toujours un œil sur le rétro. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, à ceux qui s'endorment à souper tôt. Des nuages White Widow, garde toujours un oeil sur le rétro. Jack Coca, oui, le beau serré dans l'éruption. Je crache de la lave, les poumons noircis en pleine dérision. Pas de guérison, on passe le temps comme on peut. Dans un verre, un joint ou deux, on verra quand on sera trois. Ça changera peut-être au fond de nos yeux. Bloqué par les bleus, dans un HLM merdeux. Pas d'entendre les girons, faut que je me réveille sous le champ d'un coq avec un chant et deux, trois bœufs. On croit plus au Père Noël quand je souffle une bougie, je fais pas de feu. Y'a que l'euro qui rend heureux, donc y'a des rodéos partout. Te demande pas pourquoi ça tire, c'est sûrement une histoire de sous. On voit le mal partout, même un aveugle te dit que c'est louche. Tout est sale, même si t'es propre et que t'as pris de multiples touches. Bienvenue dans un monde où on s'aime plus qu'avec des likes. Le dernier iPhone et des Nike, et le mot qui revient, c'est faut que tu rack. Moi je fais pas de différence que tu sois jaune, blanc, vert ou black. Tous dans le même bateau, donc on débarque avec une barque pour finir comme un monarque avec un jet ou un paquebot. La vie est belle, mais c'est pas beau, on se mange tous comme des animaux. Barigo, fier comme un bilka, face à moi, pas de rivaux. J'tire rideau, je veux me faire au neuf comme Valédamido. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, à ceux qui s'endorment à souper tôt. Dans des nuages de White Widow, garde toujours un œil sur le rétro. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, à ceux qui s'endorment à souper tôt. Dans des nuages de White Widow, garde toujours un œil sur le rétro.